Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la chute du mur de Berlin, dont le 30e anniversaire sera célébré samedi. Avec les attentats du 11 septembre 2001, cet événement constitue pour le monde le fait le plus important de l'après-guerre. Il s'inscrit dans la liste très courte, exceptionnelle, des épisodes fondateurs de ceux qui ont changé l'ordre du monde. Partageons ensemble un souvenir. Le 9 novembre 1989, en fin d'après-midi, il était autour de 18h, à la rédaction de France Inter tombe une dépêche ainsi rédigée. Les gardes-frontières ont commencé à ouvrir une brèche dans le mur de Berlin. Une phrase ambiguë, comme dénuée de sens. Une phrase on ne peut plus sibylline pour annoncer pourtant l'événement le plus important depuis 54 ans. Et puis, très vite, tout le monde comprend la dimension de l'information. Mais oui, le mur de Berlin vient de tomber, aussi fou que cela puisse paraître. Et l'on intègre alors l'idée logique que c'est là le résultat du soulèvement de tout un peuple pour sa liberté, avec la complicité du grand frère soviétique contre le pouvoir en place à Berlin qui a permis ce tournant historique. Voilà. Eh bien, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus l'exacte réalité. Autrement dit, si la chute du mur de Berlin, c'était avant tout l'autodissolution par inadvertance de l'État est-allemand, comme le dit le journaliste spécialiste de l'Allemagne, Michel Meyer. Le jugement paraît sévère, mais une exploration fouillée des coulisses en confirme la pertinence. C'est à cette exploration que nous vous convions aujourd'hui. Notre invité, François Desnoyers, co-auteur du livre avec Michel Meyer, précisément du livre intitulé donc « Mur de Berlin, le monde d'après ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius, Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. I know that over the years, many of you have seen the pictures and news clips of the wall that divides Berlin. And that's why I urge the Soviet leader, Mr. Gorbachev, to send a new signal of openness to the world by tearing down that wall. Au sujet de l'affaire de Berlin, je vais vous demander de renouveler votre question et j'y répondrai. En Allemagne de l'Est, pendant ce temps, les manifestations grossissent. La foule s'est épaissie, les gens sont sortis des maisons et se sont joints au cortège. Ils sont déjà plus de 100 000. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'Est comme à l'Ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle. Jadis meilleur élève économique du pacte de Varsovie et leader technologique des républiques socialistes, la République démocratique allemande n'est plus depuis des années que l'ombre d'elle-même. Au milieu des années 80, elle est même au bord du gouffre. Les caisses sont vides et le régime est en disgrâce. Plusieurs rapports secrets commandés par le Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, le SED, confirment que sans réforme radicale, la RDA court vers la banqueroute. C'est simple, en Allemagne de l'Est, en ce début d'année 89, on manque de tout, d'essence, de gaz, de fruits, de légumes. On est bien loin du niveau de vie des voisins allemands de l'Ouest. Pourtant, malgré cette situation catastrophique, le secrétaire général du parti aux commandes de la RDA, Erich Honecker, un apparatchik incurable, continue depuis 18 ans d'entretenir une ligne idéologique dure, stalinienne, faisant de la RDA un état policier, un état prison. Parce que dans Allemagne de l'Est, il y a Allemagne, les dirigeants de la RDA, de Walter Ulbricht jusqu'à Erich Honecker, considéraient que ce pays socialiste avait un rang à tenir parmi l'ensemble des États satellites de l'URSS. Et ce rang ne pouvait être que le premier, d'où les excès de zèle de l'État policier, une sorte de maître étalon du concept de dictature bureaucratique. Et comme d'habitude, c'est sur la propagande, arme de persuasion massive dans les états de cette espèce, que le pouvoir de Berlin-Est s'appuie. Le mur de Berlin, le mur de la honte. Wall that divides Berlin. Situé au cœur de l'Europe, Berlin est le centre politique, économique et culturel de la République démocratique allemande. Que ce soit par voie ferrée, par l'eau, par la route, par voie aérienne, la capitale est un important carrefour pour le transport. Année après année, Berlin attire des millions de visiteurs. Mais la ville n'est pas seulement une attraction touristique, Berlin est également la ville de l'industrie, des arts et du sport. Mais surtout, Berlin, c'est la capitale. En vérité, l'Allemagne de l'Est est un état prison où vivent 16 millions de personnes détenues dans leur propre pays, où tout le monde est surveillé à la demande d'un état paranoïaque dont le bras armé porte un nom qui aujourd'hui encore fait frémir, la Stasi. Dirigé depuis 32 ans par Erich Milke, un proche d'Erich Honecker, omniprésente dans tous les organes de la RDA, elle est aussi infiltrée dans tous les rouages administratifs du voisin ouest allemand. C'est un organe d'espionnage extérieur et intérieur. C'est la police politique par excellence, un modèle du genre. Arrestations arbitraires, écoutes téléphoniques, filtrage du courrier, menaces et violences, tout est bon pour arriver à savoir ce qui doit être su. C'est un rôle que ces 91 000 fonctionnaires exercent avec frénésie. Rendez-vous compte, il y avait en 1989 en RDA autant de policiers qu'en France pour un pays qui comptait trois fois moins d'habitants. Résultat, souffrance, injustice et plaie encore douloureuse aujourd'hui, comme l'atteste le témoignage de cette berlinoise, Ingrid. Je me rappelle qu'un soir, alors que nous rentrions du théâtre, il y avait deux policiers en civil en bas de notre immeuble. En montant, nous sommes tombés nez à nez avec cinq hommes en combinaison qui sortaient de notre appartement. Au début, ils nous ont dit qu'ils étaient venus faire une vérification pour le gaz et que tout semblait correct. On savait que ces hommes devaient être de la Stasi. La vérité, on ne l'a su que bien plus tard, lorsque les archives de la police ont été ouvertes. Il existait alors un dossier sur mon époux et moi, numéro 792-468H. Six classeurs, 2000 pages rédigées par 52 agents, des copies de notre courrier, des retranscriptions de nos appels passés au téléphone, les écrits des écoutes réalisées chez nous, le parcours de nos déplacements, le prix des achats semaine après semaine au magasin. C'est bien simple, j'avais l'impression qu'ils en savaient même plus que moi sur notre propre vie. Mais le plus fou, c'est que durant tout ce temps, nous ne nous sommes jamais rendus compte qu'ils étaient là. Vivre en Allemagne de l'Est en 1989, c'est vivre dans la vitrine du socialisme, mais c'est surtout être isolé, séparé souvent de sa famille et de ses amis qui, eux, vivent en RFA de l'autre côté du mur. Cette enceinte perverse, symbole d'oppression, ici comme ailleurs. C'était en 1961. En août de cette année-là, et pour enrayer la fuite de ses habitants vers l'ouest, le régime est-allemand décide de séparer physiquement la ville de Berlin. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. D'une longueur de 43 km dans sa partie urbaine et d'une hauteur de 3,60 m, le mur est équipé de barbelés, projecteurs et miradors, sous la surveillance 24 heures sur 24 de 1000 gardes armés jusqu'aux dents et de chiens qui, à la moindre alerte, montrent les dents. Et puis un jour, le mur, surnommé très justement le mur de la honte, est tombé. Oh, pas du jour au lendemain, non. La route de la liberté commence en fait en Hongrie, le 3 mai 1989, où l'impensable se produit. Le nouveau gouvernement réformiste de Budapest décide de couper les barbelés du rideau de fer sur sa frontière avec l'Autriche. Jacques Expert, envoyé spécial de France Inter, est sur place. Il raconte. Une brèche de 300 mètres est déjà ouverte. Pince Monseigneur en main, des soldats se sont attaqués dès hier matin aux deux rangées de grillages de 2 mètres de hauteur, tandis que des tracteurs arrachaient un à un les piquets de béton enfoncés d'un mètre dans le sol et que d'autres soldats récupéraient en les enroulant autour de bâtons les fils électriques dont le simple contact alertait les gardes frontières. La destruction des 260 km de frontières durera 18 mois, mais pour ce premier jour, l'événement avait attiré des journalistes du monde entier qui ont pu ramener en souvenir un petit morceau de fil de fer barbelé. Seuls étaient absents les représentants de la presse de l'Est. L'événement était d'importance pour les autorités hongroises qui n'ont eu de cesse de rappeler que ces installations mises en service en 65 à la place d'un champ de mines étaient historiquement, politiquement et techniquement dépassées. des centaines d'Est-Allemands, ceux qu'on appelle les hosties, alors en vacances près du lac Balaton, en Hongrie, se précipitent avec ce qu'ils ont sur eux pour passer la frontière. En RDA, on fulmine et on convoque le ministre des Affaires étrangères hongrois à Berlin pour qu'il s'explique. Trop tard, une brèche vient d'être creusée dans le rideau de fer. Deux semaines plus tard, élection municipale en RDA. Pas de candidat indépendant, des fraudes, bien entendu, et un score pour le parti unique, le SED, qui n'étonne personne. Egon Krenz, numéro 2 du régime alors, annonce les résultats. C'est un extrait du documentaire « Le dos au mur » de Philippe Colli, Maurice Najman et Richard Puech. Les élections municipales ont donné lieu à un vote massif pour les candidats du Front national de RDA. Pour le Front national de la République démocratique allemande, ont voté 12 182 050 électeurs, soit 98,85% des suffrages. 98,85%, une nouvelle victoire à la Pyrrhus pour le régime Honecker, mais une victoire volée qui va se traduire cette fois par le début d'un mouvement de contestation globale dans toute la RDA. Car s'il y a quelques semaines encore, il n'était que quelques centaines à battre le pavé pour dénoncer l'oppression du régime et le manque de liberté, désormais, ils sont plusieurs dizaines de milliers à demander des comptes au chef du parti communiste. Et sur l'Alexanderplatz, lieu d'agora à Berlin-Est, malgré le régime de terreur et la main de la Stasi, on conteste, oui, on ose contester. Liberté de voyage, liberté de voyage, liberté de voyage, liberté de voyage, liberté de voyage. Dehors la Stasi, dehors la Stasi. Même scénario à Dresde et Leipzig, où les manifestants demandent plus de liberté et surtout le droit de voyager. Ceux qui défilent sont majoritairement des jeunes. Ils ont entre 20 et 30 ans, adeptes de contre-culture et de rock'n'roll, qu'ils entendent parfois lors des concerts géants donnés dans la partie ouest de la ville. Leur objectif n'est pas la destruction du régime communiste. Non, inspirés par la réforme de Gorbatchev en URSS, ils veulent que la RDA s'inscrive dans ce mouvement réformateur. Au début de l'été 1989, nombreux sont les Allemands de l'Est qui passent leurs vacances en Hongrie. Des vacances? Pas vraiment, car ils se souviennent de l'épisode de la brèche dans les rideaux de fer quelques semaines plus tôt. Ils sont donc là pour une raison précise, passer à l'Ouest. Et on retrouve ici des familles entières. Témoignage d'un jeune Est-Allemand qui fuit. Sie können jetzt versprechen, was Sie wollen. Wir glauben an nichts mehr, was die Kommunisten uns versprechen. On ne croit plus aux promesses communistes. C'est vorbei. Terminé. 4,5 Jahre haben sie uns hingehalten und immer wieder hingehalten. Und ça fait trop longtemps que ça dure. Verschaukelt. Ils nous mènent en bateau. Wir sind unmündig. En quelques semaines, ce sont plus de 25 000 personnes qui vont ainsi traverser le rideau de fer sans tenaille, sans ramper, debout, en plein jour. Vers la fin de l'été, à Prague, Varsovie et Berlin, on assiste au même scénario. Des milliers d'Allemands de l'Est prennent d'assaut les ambassades de RFA pour s'y réfugier et demander l'asile politique. À Bonn, Helmut Kohl exhorte Erich Honecker à lâcher du lest et accepter l'aide de l'Allemagne fédérale pour rapatrier ces réfugiés. Les jours passent, les négociations piétinent, bien sûr. Quand finalement, début septembre, Berlin-Est consent à laisser passer à l'ouest des milliers d'Est-Allemands réfugiés dans les ambassades de la RFA. Dépêché à Prague, le secrétaire général de la chancellerie de la RFA, Rudolf Seiters, vient annoncer la nouvelle aux réfugiés. Ce soir, nous sommes venus vous annoncer que votre autorisation de sortie de RDA a été accordée. Des cris de joie, des rires, des pleurs, c'est la libération. Dans les heures qui suivent, tous ces citoyens est-allemands prennent place à bord des premiers trains de la liberté affrétés par la compagnie des chemins de fer de l'Est. Les autorités de la RDA parlent de gestes humanitaires. En réalité, c'est un affront pour Erich Honecker qui qualifie ces personnes de traîtres à la nation allemande. À Moscou, l'on suit la situation de très près et les remous provoqués par l'épisode des ambassades ont poussé le KGB à exécuter un plan secret pour faire chuter Erich Honecker. Now life devalues day by day. There's friends and neighbors turn away. And there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of loyalty. À Moscou, depuis 1985, le numéro 1 soviétique Mikhail Gorbatchev a engagé l'État soviétique dans une série de réformes profondes. La fameuse perestroïka, qui veut dire reconstruction, et la non moins fameuse glasnost, qui veut dire transparence. Fini donc les interventions de l'armée du pacte de Varsovie aux quatre coins d'une Europe communiste qui oserait contester. Au contraire, Gorbatchev supporte de moins en moins ces potentats des pays de l'Est, ces staliniens pétrifiés dans leur aveuglement idéologique. Ils vont à contre-courant de ces réformes. Dans le genre, Honecker est un sérieux client, une caricature, un monstre froid, un communiste irrécupérable, comme en témoigne l'un de ses derniers discours. Pour nous, communistes, le mot d'ordre demeure travail, pain et paix entre les peuples. Voilà notre monde. Résumé par ce cri de bataille pour notre camarade Ernst Thälmann, levons le poing. Corseté dans sa dialectique simpliste, Honecker ne sait pas qu'à Moscou, le Kremlin et le KGB organisent sa chute. C'est l'opération Lutsch. L'idée est simple. Il s'agit de remplacer les dirigeants poussiéreux des RDA par des réformateurs gorbatcheviens. On met alors sur orbite un tandem de réformistes composé de Hans Modrow et de Markus Wolf, l'ancien chef de la Stasi. Egon Krenz, le numéro 2 du régime, lui doit tuer politiquement et symboliquement Honecker. Mais en aucun cas, il n'est question que le mur tombe, même si les nouvelles réformes doivent donner aux Allemands de l'Est plus de liberté, et parmi elles, la liberté de voyager. Les mois passent quand soudain les événements s'accélèrent à Berlin en cet automne 1989. Ils obligent le KGB à passer à l'action beaucoup plus tôt que prévu. C'est qu'en Allemagne de l'Est, le début d'automne est très agité. Le mouvement de contestation berlinois fait tache d'huile. Leipzig, Dresde en manifeste toujours pour les mêmes raisons. En octobre, on s'apprête à fêter à Berlin le 40e anniversaire de la RDA. Longtemps hésitant, Mikhail Gorbatchev vient à Berlin pour l'occasion et surtout pour convaincre une dernière fois Honecker de réformer son pays. À sa descente d'avion, la fameuse bise à la russe se transforme en un baiser de la mort. Celui qu'on acclame dans les rues, c'est Mikhail Gorbatchev, pas Honecker, qui ce jour-là a les lèvres plus pincées que jamais, très mal à l'aise aux côtés du numéro 1 soviétique, qui déroule son discours. Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Le danger ne guette que ceux qui ne savent pas réagir à la vie. А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику, aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet. Celui qui sait prendre à temps le pouls de la société et adapter sa politique, ne redoute pas les difficultés, elles lui paraissent normales. Pour Honecker, c'est l'horreur. Les défilés bien surveillés, bien organisés auxquels on assiste à Berlin-Est chaque année pour l'anniversaire de la RDA tournent à la contestation sociale. Alors, le dirigeant communiste se lance dans un long discours à la gloire du régime, de la patrie de Marx et de Engels et des vertus du système communiste. On connaît la musique. Chef d'État, Honecker, non, chef de bande. Il n'a décidément rien compris. Il ne veut rien comprendre. Mikhail Gorbatchev saisit alors qu'il ne peut plus rien y faire et il précipite son retour. Dans l'avion qui le ramène à Moscou, il prend sa décision. La meilleure solution pour désavouer Erich Honecker, c'est de donner le champ libre à Egon Krenz en lui promettant le soutien de Moscou pour la suite. Au sein du bureau politique à Berlin, Egon Krenz, un homme très ambitieux, se rapproche de Günther Schabowski, le patron du parti communiste de la capitale est-allemande. Les deux ont le même objectif, déposer Honecker. C'est chose faite le 18 octobre. Le soir même, la télévision est-allemande annonce la nouvelle. Egon Krenz est le nouveau secrétaire général du parti. Il a été élu cet après-midi. Le comité central a accepté qu'à sa demande, Erich Honecker soit libéré de ses fonctions en raison de son état de santé. Il a été chaleureusement remercié pour son œuvre politique. J'aimerais dire en ce moment que beaucoup de travail nous attend. Du travail, et encore du travail. Mais pour la population, ce changement de dirigeant ne compte pas. Elle en a vu défiler au pouvoir, tous les mêmes. Alors, Krenz ou un autre, la rue ne se fait guère d'illusions. Et les manifestations continuent à Berlin, où tous les soirs on se réunit par dizaines de milliers pour protester encore et encore, car il ne faut pas lâcher prise. Et la situation devient très critique pour Egon Krenz et ses alliés. Solange diese alten Politiker dort oben sitzen, solange ein Honecker, ein Egon Krenz dort oben sitzt, tant que ces vieux politiciens sont là, tant qu'Egon Krenz sera là, ou un Milke, tant qu'ils seront là, rien ne bougera. Solange die dort oben sitzen, diese alten tant que ces dinosaures seront là, ceux qui sont en place depuis 20, 30, 40 ans, Désormais, la situation semble incontrôlable. À Berlin, les opposants veulent des changements radicaux et ils réclament des têtes. Au même moment, la Tchécoslovaquie ouvre sa frontière à l'ouest. La spirale infernale continue pour ce qui reste du communisme en Allemagne de l'Est. C'est dans ce contexte très tendu que le comité central se réunit le 8 novembre à la demande d'Egon Krenz pour mettre au point un décret sur les voyages. Dehors, les manifestants réclament du changement. La réunion se poursuit jusqu'au jeudi 9 novembre en milieu de journée. Le texte est finalement voté à la va-vite et autorise les voyages à l'étranger sans condition. Le ver est dans le fruit. 19h30, Egon Krenz demande à Günther Schabowski, qui n'a pas assisté aux réunions, de tenir une conférence de presse pour annoncer que désormais, chaque citoyen est-allemand peut voyager hors des frontières du pacte de Varsovie. Mais pris de court par un décret qu'il ne connaît pas et muni seulement du communiqué de presse, l'ineffable Schabowski commet la bourde qui va faire basculer le destin et le mur avec. On m'a informé qu'un communiqué a été distribué aujourd'hui. Vous devez être en sa possession. Donc des voyages privés vers l'étranger peuvent être demandés, sans condition, sans donner les raisons du voyage ou avoir des relations familiales. Les accords seront donnés dans un bref délai. Des sorties du pays peuvent être effectuées par toutes les frontières de RDA vers la RFA. Est-ce aussi valable pour Berlin-Ouest ? Oui. Les sorties permanentes peuvent avoir lieu par tous les points frontaliers avec la RFA, ou bien par Berlin-Ouest. Quand est-ce que ça rentre en vigueur ? À ma connaissance, cela entre en vigueur tout de suite, immédiatement. Le mousseux et les larmes coulaient à flot, ambiance folle pour une nuit historique. La surprise a été complète, la stupeur totale, la joie débridée, une libération physique mais aussi une libération des esprits. Around me scores of people have arrived, being held back by the police to watch this first incision into the Berlin Wall. Et du haut du beffroi de l'hôtel de ville sonne la cloche de la liberté. Quand est-ce que ça rentre en vigueur ? À ma connaissance, cela entre en vigueur tout de suite. Immédiatement. Voilà comment l'histoire bredouille et nous prépare en même temps et sans le savoir l'événement politique et géopolitique le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est 20h, la compréhension est totale. Il flotte dans l'air comme une odeur de vacillement, d'excitation, enfin de quelque chose qu'il faut avoir vécu pour le décrire. Les gens sortent dans la rue, la foule scande « Wir sind das Volk ». Nous sommes le peuple, oui, ils sont le peuple, et ce soir, ils veulent la liberté. 23h54, point de passage de Checkpoint Charlie, Berlin, pluie fine, nuit froide. Des milliers de personnes se pressent des deux côtés du mur. Les uns vont le franchir, les autres vont les accueillir. Le reste appartient aux images, aux photos. On les a tous en tête, sans consigne précise. Livrés à eux-mêmes, les gardes-frontières de Berlin-Est ouvrent le mur. Alors ils passent, hommes, femmes, enfants, trabants. Adieu Stasi, cachot, photo, micro. Vive la liberté. Gewiss, dort gibt es keine Seele. Und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen bliebe. Von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder. Und dabei blüht auch doch die Liebe. In Göttingen, mir scheint wir sind weit schlechter kennen. In puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginns in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch sah ich nur so schöne Rosen in Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche wie bei Verlaine, das Silberbleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen in Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter, dann weiß es, Lächeln ist gescheiter. Es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, von Göttingen. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la chute du mur de Berlin, notre invité François Desnoyers. Bonjour. Bonjour. Journaliste, vous avez été directeur général délégué de Radio France et consultant du Centre des Hautes Études Européennes. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Mur de Berlin, le monde d'après » avec Michel Meyer. Livre paru le 18 septembre dernier aux éditions Larousse. Alors tout d'abord, cette question toute simple, parce qu'on la pose toujours dès qu'on évoque cet épisode de l'histoire. François Desnoyers, que faisiez-vous à ce moment-là? Parce qu'on se souvient tous de ce qu'on faisait, finalement. Ou peut-être. 89, j'avais commencé à travailler depuis quelques années avec Jean-Marie Cavada, avec qui je ferai un compagnonnage professionnel de 15 ans, ce qui nous ramènera en effet quelques années plus tard à Radio France. Ouais. Passé par la création de la 5e, devenue France 5, puis par la télévision et la radio d'outre-mer. Je vous pose la question parce que si je me suis permis, moi, de partager un souvenir personnel avec les auditeurs, ce qui est tout à fait exceptionnel, je ne le fais jamais, c'est que les coulisses de l'histoire passent par là aussi. C'est-à-dire que, alors il n'était pas 18h30, il était sur coup de 20h, et je me souviens, je présentais les flashs. Et je reçois cette dépêche incroyablement sibylline, qui voulait rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça montre aussi, et ça nous renvoie à la particularité de cet épisode historique incroyable, mais ça nous renvoie à ce monsieur Jabowski. Jabowski. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Un moment, pourquoi, quand on lui dit, les citoyens est-allemands peuvent passer, mais quand, monsieur, c'est quand même très important, quand? D'autant plus qu'on a entendu les revendications sur la liberté de voyage, c'est tellement important. Pourquoi il répond maintenant? Alors, Günter Jabowski, c'est un proche de Egon Krenz, le secrétaire général du PC est-allemand, qui est son patron direct, en fait, et Günter Jabowski est aussi le porte-parole. Et Egon Krenz, ce qui est rappelé dans l'émission qu'on vient de réentendre, c'est que il était question ce jour-là de prendre un décret qui autorise des voyages, qui facilite, alors tout ça était assez flou, qui facilite les voyages des citoyens d'Allemagne de l'Est et notamment de Berlin-Est vers l'Allemagne de l'Ouest. Mais Egon Krenz, qui savait qu'il pouvait rencontrer des difficultés devant son politburo, il ne fait aucune copie de sa déclaration, de son discours. Il fait en sorte que le politburo entérine très vite. Il y a un seul exemplaire qui comporte une note technique qui lui avait été remise par ses services en grand secret, qui comportait les modalités. Hein. Et puis une deuxième page qui précisait la date. Et c'est là que intervient la petite histoire dans la grande. C'est que dans le couloir, Krenz rencontre Jabowski et lui dit: il faut que tu tiennes une conférence de presse. Tiens, voilà ce qu'il faut que tu dises. Voilà le communiqué en quelque sorte. C'est le décret, c'est le projet de décret. Et il ne lui donne pas la deuxième page. Et que précise la deuxième page? La deuxième page précise le moment que c'est à partir de demain, le 10. Et quand Jabowski, qui n'a pas lu le texte, le découvre finalement devant les journalistes auxquels il le lit, il a tout de suite la question, et notamment une question du journaliste de l'agence italienne ANSA, qui dit: mais c'est pour quand? Et il ne sait pas quoi répondre, et donc il répond ce fameux ab sofort, c'est-à-dire c'est tout de suite. Et ça, c'est la gaffe historique. On peut pas imaginer ce qui se serait passé s'il avait dit c'est pour demain. Que serait-il passé dans la rue? Est-ce qu'il y aurait eu une montée en tension? Très probablement. Mais en réalité, le tout de suite, personne n'y croit. Les journalistes, et notamment le journaliste de l'agence italienne, appelle sa rédaction en chef en Italie, et puis explique ça, il n'est pas pris au sérieux. Et ça va prendre un peu de temps pour que les agences, et c'est Associated Press, avec l'agence américaine, avec sa réputation de crédibilité, qui sonnera finalement qui donnera le la de la soirée en officialisant le fait que effectivement une brèche a été ouverte, sans qu'on en connaisse les modalités, sans que les soldats aux frontières aient été prévenus, sans que les hiérarchies policières et militaires aient été prévenues. Et tout ça va flotter pendant toute la soirée, et fort heureusement, il n'y aura pas une goutte de sang. Et ça, c'est miraculeux? Oui, c'est miraculeux, parce que depuis la création l'érection du mur en 61, au fond, les fameux Vopo, les forces spéciales, les policiers qui étaient aux frontières, ils avaient un ordre quasiment permanent, c'était implicite, qui était de tirer si quelqu'un essayait de passer. Et certains, dans l'histoire de ces 28 ans de mur, certains en sont morts, hein, même si c'était extrêmement difficile de passer. Et aucun d'entre eux, on dirait aujourd'hui, aucun n'a pété un câble. Hein. Aucun d'entre eux ne panique, ils ne savent pas quoi faire. Ils appellent leur hiérarchie, laquelle hiérarchie appelle la hiérarchie, etc. Et aucun ordre, personne ne sait rien. Le patron de la Stasi, le numéro 2 de la Stasi lui-même est en train de dîner, il entend du bruit dans la rue, il ne sait pas ce qui se passe, il appelle son patron, le fameux Milke dont vous parlez dans l'émission qu'on a écoutée, qui ne sait pas non plus. Personne ne sait rien. Et revient une seule consigne finalement de la hiérarchie policière et militaire: essayez au moins de ne pas vous faire piquer vos armes. Et là, il aurait pu se passer quelque chose de très grave. C'est-à-dire qu'un soldat ou un chef de poste aurait pu donner l'ordre de tirer. Et personne ce jour-là, il n'y a pas eu un coup de feu tiré, donc pas une seule goutte de sang versé. Et ça, on peut dire que c'est miraculeux. Et donc à ce moment-là, ce moment charnière de l'histoire, l'Allemagne de l'Est est gouvernée, gouvernée par des Gorbatchéviens, en fait. C'est la Gorbatchévisation du pouvoir après le départ d'Erich Honecker, c'est ça? Alors oui, c'est-à-dire que quand on est passé de Honecker à Krenz, il y a eu une forme de Enfin, il y avait un espoir de modernité, mais c'est pas si net que ça, car vu de Moscou, les Allemands de l'Est, les dirigeants du Parti communiste de la RDA passaient quand même pour des purs et durs, sans doute les plus durs qui existaient dans l'ensemble du bloc soviétique et des États du Pacte de Varsovie. Et donc, je dirais que Krenz peut-être était gorbatchevien, mais tout ça est assez relatif. Il a surtout eu affaire à la gestion d'une faillite, d'une banqueroute. C'est qu'au fond, ce pays, à quelques semaines près, était en état de cessation de paiement. Et c'est ce qu'il redoutait le plus. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands de l'Ouest, depuis plusieurs années, avaient accordé des prêts en grand secret à l'Allemagne de l'Est. Parce que Helmut Kohl et Alfred Herrhausen, qui était le patron de la Deutsche Bank, qui était véritablement son intime et son conseiller, considérait que d'abord l'argent pouvait faciliter les choses, d'une part, et ils l'ont fait avec la Hongrie, mais considérait aussi qu'il fallait peut-être surtout et d'abord éviter le chaos à la frontière, le chaos sur leur frontière est, et essayer de faire en sorte que cette Allemagne de l'Est s'assouplisse peu à peu. Ils avaient accordé déjà 2 milliards de Deutschmark de prêts, mais en grand secret les années précédentes, mais quelques semaines avant l'ouverture du mur, car ce n'est pas une chute, il n'est pas tombé. La RDA s'était vue refuser un prêt parce que les Allemands de l'Ouest considéraient, Helmut Kohl et Herrhausen considéraient qu'ils n'allaient pas assez vite précisément dans cette question d'ouverture des frontières. Donc Egon Krenz était vraiment coincé dans son corner. Alors ce qui a fait ouvrir le mur de Berlin, c'est d'abord la volonté d'un peuple, hein, c'est je crois la première cause, c'est Gorbatchev aussi, parce que sans lui rien n'aurait été possible. Il suffisait qu'ils disent non, ils passent pas, ouvrez le feu comme avant, et c'était Prague et Budapest. Ça n'a pas été ça. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que Jean-Paul II et Ronald Reagan ont gagné la guerre froide avec Gorbatchev? Alors, l'un et l'autre dans des registres différents. En effet, Jean-Paul II, c'est « N'ayez pas peur ». 1982, adressé au peuple polonais. C'est un signe considérable parce que l'Église catholique, quand même, a le rôle que l'on sait, même si en Allemagne, ce sont principalement les protestants et les luthériens. Mais il reste que le message en 82 de Jean-Paul II a eu dans les consciences et dans les têtes d'un certain nombre de gens. Et puis ce qui s'était passé en Pologne avec deux ans après Gdansk, ça a eu une importance considérable. Et puis Ronald Reagan, dans un autre registre, c'est quand il décide la guerre des étoiles. Oui. Et la guerre des étoiles, c'était... C'est un gros bluff. C'est inimaginable pour Moscou. Et Moscou comprend quand Reagan dévoile ce qu'est le projet de guerre des étoiles, qui n'a pas eu lieu du tout. On n'en était qu'au stade d'un projet, mais un projet qui a absolument effrayé Moscou, qui a compris que en matière militaire, définitivement, c'était réglé, si je puis dire, c'était réglé. Ouais, oui. Et que Moscou n'aurait plus jamais le... Donc Gorbatchev, Reagan d'un côté, pardon, Jean-Paul II de l'autre, effectivement, ont fait bouger les esprits. Incontestablement. Quant à Gorbatchev, tous ceux qui l'ont approché dans cette période, et notamment des économistes européens qui le conseillaient sur, parce qu'il avait une véritable envie de rénover le système de l'intérieur, disent, et l'un d'entre eux, Jean-Paul Fitoussi, me l'a encore dit hier, il avait le souci que tout ça se fasse sans une goutte de sang versé. Autrement dit, il avait exclu l'option militaire, ça n'était pas dans son logiciel. À tel point que ce qu'il a sans doute craint le plus dans cette période, c'était d'être lui-même renversé par les purs et durs de l'armée rouge. Ce qui a fait lui arriver a failli lui arriver quand il était à Soros en résidence de vacances et où il y a eu ce putsch raté. Mais effectivement, la menace pour lui, elle venait de là. Il avait exclu l'option militaire, il ne pouvait naturellement pas le déclarer aux yeux du monde. Il a essayé de faire de l'intérieur ce qu'il pouvait faire, mais il est évident que sans Gorbatchev, le mur n'aurait pas été ouvert dans ces conditions-là. C'est clair. Alors évidemment, dans notre regard d'occidentaux, c'était un événement heureux, parce qu'on se disait, voilà, des peuples voisins qui appartiennent à la même culture que nous, sont des Européens, vont découvrir cette liberté dont nous jouissons. Alors il y avait une certaine ferveur, et puis on a reproché à François Mitterrand, dans sa déclaration, d'être un peu, comment dire, un peu distancié, pas assez enthousiaste. À Copenhague, où il se trouvait pour une réunion sur l'Europe avec les dirigeants danois, il s'est donc exprimé sur... Pardon François Desnoyers, mais ce qu'on appelle la chute du mur, c'est vrai qu'il n'est pas, oui. pas tombé, mais on appelle ça comme oui, ça. Bon, bien voilà, sûr. C'est dans le langage courant. On écoute François Mitterrand. Je pense que ce sont des événements heureux, puisqu'ils marquent un progrès de la liberté en Europe. On l'avait constaté en Hongrie, on l'avait constaté en Pologne, on le constate aujourd'hui en Allemagne de l'Est. On l'avait d'une certaine manière constaté en Union soviétique. Et il est vraisemblable que ce grand mouvement populaire continuera d'être contagieux. Pour l'instant, il y a une formidable poussée que vous constatez comme moi en Allemagne de l'Est vers la liberté, vers un système démocratique où les Allemands de l'Est se retrouveront mieux chez eux et non pas contraints, comme certains le font, d'aller ailleurs, y compris dans un État frère. Mais entre ce phénomène et le phénomène organique que signifierait une réunification, un certain nombre d'actes et de délais se produiront sans doute. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais il n'y a pas, de la part de la France, de réserve historique sur ce point. Ah, il se justifie quand même. Mais on sent un enthousiasme mesuré, finalement, par une vraie grande lucidité politique, parce qu'il avait compris que l'après, bah, il va falloir gérer le jour d'après et les jours d'après. Alors, on s'est interrogé avec Michel Meyer quand on a écrit le livre sur l'emploi d'un mot que finalement nous utilisons dans le livre, qui est le mot effroi. On pouvait le considérer un peu fort, et en réalité il y a eu une sorte d'effroi. Alors pas de panique, les chancelleries paniquent pas, des hommes politiques, des dirigeants politiques aussi expérimentés que George Bush à Washington, François Mitterrand à Paris, Margaret Thatcher à Londres ne paniquent pas, c'est pas la panique. Mais un effroi pour plein de raisons, c'est que pouvait donc être à nouveau cette grande Allemagne. N'oublions pas que dans notre histoire, il y a quand même la question franco-allemande, même si la réconciliation du traité de l'Élysée en 63 de Gaulle-Adenauer était une réalité, et qu'au fond, les peuples n'ont qu'une envie, c'est de s'entendre. Mais pour ceux qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, il est évident que la renaissance d'une grande Allemagne était, François Mitterrand, de ce qu'on a pu savoir, considérait que c'était inéluctable, mais il pensait qu'il fallait du temps. Et je crois que l'idée qui se faisait du temps, c'était une quinzaine d'années. Gorbatchev, d'ailleurs, avait aussi à peu près la même position. Donc ça a été un dialogue entre tous ces grands dirigeants qui se sont concertés. Ce qui a été extrêmement fort, c'est la position de Kohl qui, à peine le mur ouvert, prend l'option de la réunification et concocte en grand secret un plan en 10 points qu'il présente devant le Bundestag. En quelque sorte, il coince le pied dans la porte. Personne n'était prévenu, personne, sauf en jouant sur le décalage horaire, sauf George Bush à Washington qui avait reçu le texte. Voilà. Mais Gorbatchev ne savait pas, François Mitterrand ne savait pas, Margaret Thatcher, très opposée à la réunification, ne savait pas. Et Helmut Kohl, qu'on a souvent considéré comme un bon pépère provincial, si je puis dire, s'est révélé un très très grand politique dans cette opération en jouant sur le temps à une vitesse absolument incroyable. Bien, alors, on va passer à la deuxième partie de notre discussion, le monde d'après, puisque c'est le cœur du propos de votre livre. Et pour nous y aider, on va réécouter le reportage que Gellor van Wimmersch avait effectué à Berlin en octobre 2014. C'était le 15 octobre 2014, lorsque nous avons diffusé pour la première fois ce récit de la chute du mur. Donc, reportage de Gellor van Wimmersch qui rencontre à Berlin deux personnes qui ont connu la ville avec et sans le mur. Berlin, ciel gris et pluvieux. Nous sommes dans le quartier de Mitte et à la sortie du métro, s'étalent des restes du mur et son mémorial. Ça, c'est l'ancien hôpital Saint-Lazare. Là, il y avait les urgences. Et c'est là que j'habitais, juste à côté. Ici, c'était l'ouest. Il y a le trottoir. Et puis le mur. Le trottoir, c'était encore à l'ouest. J'ai connu le mur du premier jour de sa construction jusqu'à la chute du mur. Ursula Malchaud a 79 ans. Elle vivait côté ouest, juste en face du mur, à 20 mètres seulement. En première ligne, elle se rappelle les coups de feu, les tentatives désespérées pour passer à l'ouest, la peur et bien sûr la séparation. Dans ma jeunesse, Berlin était tout un, c'était une ville. Puis on a été séparés. On ne pouvait pas voir sa famille, aller aux enterrements. On ne pouvait pas assister aux naissances, voir grandir les petits en face. Il y avait la peur d'habiter ici, peur des coups des feux. Et maintenant, Berlin, c'est génial. Je suis une Berlinoise. Est-ce que ce Berlin d'aujourd'hui ressemble à celui que vous auriez pu imaginer à la chute du mur? À 80%, oui. Je dis toujours, maintenant, quand je vais à l'est de Berlin, je vais de l'autre côté, autrement dit, chez les gens de l'est. Nous devons être tous égaux. Les salaires doivent être au même niveau, à l'est et à l'ouest. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc, tant qu'on n'y est pas, la réunification n'est pas faite. Je pense qu'on les a trompés, quand même. Comment vous regardiez, à l'époque, le communisme? Tout n'était pas mauvais. Le système de sécurité sociale était meilleur. Les offres pour la petite enfance étaient meilleures. Ça fait partie des choses où je pense qu'on aurait pu les reprendre chez nous. Vous êtes de l'Ouest, mais vous êtes un tout petit peu nostalgique, comme on dit, nostalgique, la nostalgie de l'Est. Je sais être objective. Il y avait certes une certaine forme de surveillance, mais ici chez nous, c'est, si tu ne t'occupes pas de toi-même, personne ne t'aidera. Et c'est pas mieux, non? Il y a beaucoup qui restent sur le bord du chemin. On passe le message à Angela Merkel. Allez-y, je vous en prie. Detlef Matas a 46 ans. C'est un ancien habitant de RDA. Et dans sa jeunesse est-allemande, il photographie le mur, zone militaire interdite. Arrêté par la Stasi, il passera 6 semaines en détention avant de gagner l'Ouest, un an avant la chute du mur, en 1988. Il était interdit de faire des photos côté Est. C'est pourtant ce que vous faisiez. Oui, je l'ai fait parce que je voulais savoir à quoi ça ressemble, parce que je voulais absolument aller à Berlin-Ouest. Le mur en tant que tel ne m'a pas fasciné. Ce qui m'a fasciné, c'était le Berlin-Ouest qui était en face. Berlin-Est était plutôt gris et Berlin-Ouest était plutôt bariolé, coloré. En Allemagne de l'Est, c'était l'État qui déterminait comment la vie de l'individu allait se dérouler. Ils étaient dépendants, du coup. Tant qu'ils fermaient leur gueule, leur vie était facile, sans souci. Parfois, je me dis, j'aimerais bien qu'on réérige le mur, mais avec moi côté ouest, bien entendu. Quand je vais à l'est, j'ai même l'impression parfois que ça sent différemment. Vous dites encore Berlin-Est. Oui, moi, je dis toujours Berlin-Est et Berlin-Ouest, oui. Voilà cette entrée de la gare, là où les gens entrent. Autrefois, c'était pas possible du tout. C'était muré. C'était une gare fantôme. On dit par exemple en France que le Berlin d'après la chute du mur était devenu la ville de tous les possibles. Est-ce que c'est encore vrai, ça, pour vous? Non, et Berlin a beaucoup de problèmes économiques. Elle est tout proche de la banqueroute. Notre maire, il a dit autrefois, Berlin est pauvre mais sexy. C'est pas vraiment mon point de vue. Et beaucoup de chômage. Oui, c'est une conséquence de la mauvaise gestion. Berlin hat viele Flächen an die Privatwirtschaft verkauft. La ville de Berlin a vendu beaucoup de terrains qui autrefois étaient publics à des investisseurs privés. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller. Berlin hat kein Geld. Berlin n'a pas d'argent et vend ses bijoux de famille. Privatisation de l'espace public. Ja, meines Erachtens nach aufgegeben hat. C'est le signe que la politique s'est soumise au diktat de l'économie. Entre le socialisme, le communisme même de l'époque de la RDA que vous avez connu, et aujourd'hui par exemple, les politiques libérales européennes ou les politiques d'austérité façon allemande appliquées par Angela Merkel. Vous choisissez quoi? Beides nicht. Rien de tout cela. Personne ne réagit par rapport à ça. La question est de savoir pourquoi c'est comme ça. Voilà, il faut préciser que c'est un reportage auprès de deux personnes et que ça n'a pas valeur de sondage. On ne sonde pas l'âme allemande dans sa totalité, évidemment, hein, mais c'est le genre. Deux personnes, mais elles disent quand même des choses intéressantes. Ce que je note là-dedans, c'est qu'il y a quand même une certaine désillusion qui engendre ce qu'on appelle l'ostalgie. Est-ce que l'ostalgie, jolie construction vocabulaire, elle est présente, c'est-à-dire la nostalgie de ce qu'il y avait de bien, si tant est qu'il y a des choses bien, du côté de pendant l'Allemagne de l'Est, l'existence. Il reste quelque chose d'une sorte de schizophrénie allemande. D'abord parce que les niveaux, et bon, quand le mur, quand la frontière s'ouvre, le niveau de vie à l'Est est de 2/3 inférieur au niveau de vie à l'Ouest. Alors naturellement, on n'en est plus là, loin de là. Hein. Mais il reste que un certain nombre de Länder de l'Est ne sont pas très favorisés, qu'on y retrouve des taux de chômage importants et que politiquement, ça se traduit aussi par une montée de ce qu'on appelle le populisme et ça a des conséquences politiques et électorales très très concrètes. Et là, la schizophrénie, elle est de deux ordres. Elle est un peu économique parce que pendant 28 ans, après la construction du mur, il y a eu cet enfermement, pas seulement à Berlin, mais l'ensemble du pays, avec deux systèmes qui s'écartaient de plus en plus. Pour les citoyens, en tout cas, hein, d'un côté un système très policier et pauvre, et puis de l'autre la prospérité qui arrivait. Il en reste quand même des traces, incontestablement. Et l'ostalgie, effectivement, est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec un autre élément qui est que, au fond, il y avait à l'Est, oublions la Stasi, oublions le caractère policier du régime, il y avait, et notamment chez un certain nombre de citoyens autour des pasteurs protestants, il y avait l'idée qu'on pouvait construire une société égalitaire, plus égalitaire. Mmh. Et les réformes économiques de Schröder, que l'on connaît en Allemagne, n'ont pas forcément conduit à cette société égalitaire. Ça va très loin. L'un des deux témoins dit, je veux bien qu'on reconstruise un mur pourvu que je sois du bon côté. Est-ce que ce monsieur sait que la chute du mur de Berlin n'a pas entraîné la chute des murs dans le monde ? Alors, est-ce que vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde ? On a rêvé en 89, le monde entier a rêvé, parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement symbolique dans ce mur de Berlin, le mur de la honte, hein, qu'on appelle aussi le mur des murs. Et au fond, le fait qu'il tombe ou qu'il s'ouvre, c'était un peu symboliquement l'idée que c'en était fini. Il y a 250 000 kilomètres de frontières terrestres sur la planète. On estime qu'il y a entre 6 et 18%, alors disons entre 25 et 30 000 si on prend à peu près autour de 10%, 1000 kilomètres de frontières. C'est aussi bien le mur entre l'Algérie et le Maroc. Mexique, États-Unis. En Afrique du Sud. Naturellement, le fameux mur de Trump, qui n'est rien d'autre que la reprise d'un projet de George Walter Bush. Mais aussi Belfast, où il y a toujours un mur qui sépare des communautés. Nicosie, à Chypre, où il y a toujours un mur. Et aussi, au sein même de l'Union européenne, en Slovaquie, une commune qui a très hypocritement érigé un mur qu'ils appellent le mur sportif et qui en réalité consiste à isoler la communauté rome. Chypre aussi. Et Chypre, absolument. Entre la partie grecque et Nicosie, la partie turque, à Nicosie, il y a un mur. Au cœur de Nicosie, la principale avenue est toujours coupée par un mur, alors que la crise remonte à 1974. Alors, pendant le mur à Berlin, beaucoup de Berlinois, d'Est comme d'Ouest, venaient le long du mur. Alors, il n'y a pas eu de selfie d'abord parce que ça n'existait pas, mais d'abord parce qu'on ne venait pas se voir soi-même devant le mur, on regardait l'autre, de part et d'autre. Et ça allait dans les deux sens. Et dans les deux sens, le grand plaisir, la grande joie, la grande libération, ça a été de pouvoir effectivement passer en toute liberté, alors qu'il y avait toujours, naturellement, ce jour-là, deux États allemands, mais pouvoir passer d'un côté et l'autre du mur. Et un certain nombre d'Allemands de l'Est, de Berlin-Est, que sont-ils allés faire à l'Ouest ? Ils ont passé symboliquement la frontière et puis ils sont allés retrouver le goût des bananes, parce qu'il n'y avait pas de bananes à consommer à Berlin-Est. Et donc, dans les commerces qui étaient encore ouverts à Berlin-Ouest, ils sont allés chercher des bananes. Est-ce que les gens de l'Ouest sont allés beaucoup à l'Est ? Au revoir. Oui, bien sûr. Et puis, comme il est dit dans le reportage, il y a eu un moment après la chute du mur. C'est Berlin-Est qui était devenue la ville à la mode, avec une dimension artistique, architecturale aussi, très intéressante. Il y a eu cette mode aussi de Berlin-Est, très, très attractive pour les Berlinois. Et aujourd'hui encore, quand on va à Berlin, encore, là où on va se balader, c'est les beaux quartiers, les quartiers qui ont de l'âme. Prenzlauer Berg, notamment. Sont souvent à l'Est. Je vais vite là, parce qu'il nous reste que 40 secondes, mais vous l'avez déjà évoqué, c'est vrai qu'il y a une autre désillusion, c'est la montée des populismes, notamment de droite, dans ces pays dits ex-pays de l'Est. C'est une vraie désillusion, ça. C'est une désillusion, mais qui n'est pas spécifique ni à l'Allemagne, ni même aux pays de l'Est. On peut considérer que les populismes montent un peu partout dans les sociétés démocratiques et, libérales. Elles montent aussi parce que il y a la peur de la précarité, il y a les inégalités qui s'accroissent, et puis le monde a peur. C'est incontestable. Malheureusement, on ne peut pas être totalement optimiste. Le dindon est passé, ça va ? Bien, merci infiniment François Desnoyers pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre livre, Mur de Berlin, écrit avec Michel Meyer, Le Monde d'après chez Larousse. Merci, c'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la chute du mur de Berlin, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.